Ce vendredi, à la vie en BD, un documentaire sur le BDiste 7 du Western Robotique et les éditions La Courte Échelle et la question des droits d'auteur. Bon vendredi à tous et à toutes. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 pour explorer l'univers du 9e art, l'univers de la bande dessinée, et l'explorer à travers une pluralité de médias, comme à notre habitude, mais cette semaine c'est doublement vrai, puisqu'on aura l'occasion de jaser avec le réalisateur du documentaire Le Dominion de Seth, un documentaire produit par l'ONF qui sera diffusé à Québec par Antitube les 6 et 9 novembre prochains, et d'ailleurs on fait un très très beau documentaire, le réalisateur qui fait un travail très très précis, très très varié, qui oscille entre le documentaire traditionnel, l'animation. Donc vraiment, là, sincèrement, j'ai été, j'ai envie de dire scié en le regardant. Je vous dirais peut-être de manière plus adéquate, ça m'a laissé un effet très fort, fait découvrir vraiment des éléments très particuliers, très intéressants sur ce BDS-là, une ambiance aussi. Donc vraiment, ce sera un plaisir pour moi d'avoir l'opportunité de discuter avec le réalisateur tout à l'heure, en votre compagnie, évidemment. Sinon, on aura l'occasion de jeter un coup d'œil sur quelque chose d'un peu plus, préoccupant. Donc la question de la faillite des éditions La Courte Échelle, ça a été quand même fortement médiatisé. Il y avait rencontre d'ailleurs d'informations aujourd'hui auprès des illustrateurs, des auteurs concernés. Donc qu'en est-il? Un retour également sur ce qui se passe de manière générale. On va le faire avec l'auteur Annie Groovy, donc celle derrière la série Léon. Elle a envoyé d'ailleurs aux médias au début de la semaine une lettre, un témoignage pour rappeler un peu les conséquences liées à cette situation-là et liées aux défis législatifs autour de cette situation-là. Alors, on en jase avec elle en fin d'émission. Sinon, dans quelques instants, là, dans moins de 3 minutes, on aura l'occasion de jaser avec les auteurs Gauthier Langevin et Olivier Carpentier, qui nous offrent la version papier d'une série web qu'ils présentent sur la plateforme Kimik. Donc là, c'est Studio Luna qui l'a édité, version papier. Ça s'appelle Far Out. Et c'est un western spaghetti, mais qui met en scène des robots. Et c'est superbement dessiné d'ailleurs. Alors voilà pour le menu d'émission de cette semaine. Sinon, dans l'actualité BD, quelques éléments à signaler, notamment, avec le désir de réunir les forces des événements en animation de la province. Antitube, la Cinémathèque québécoise et Pixel Québec ont annoncé un partenariat qui aura comme résultat de rehausser, nous dit-on, le statut de Québec comme diffuseur de l'excellence de l'animation internationale et québécoise. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est essentiellement que les sommets du cinéma d'animation, qui étaient coproduits par la Cinémathèque et Antitube depuis 2002, eh bien, seront désormais sous la gouverne de Pixel Québec, un dynamisme en même assez respecté d'ailleurs pour cet organisme-là qui est responsable du Cartoon Connection qui a lieu actuellement, de Pixel Media, du Pixel Challenge et de Pixel Animation. Alors donc, ce qui va se passer, c'est que les deux organismes vont assurer la vocation artistique du festival, les deux organismes étant la Cinémathèque et Antitube, et Pixel, lui, ça sera le mandataire du volet organisationnel de l'événement. On verra quelle incidence ça a, mais d'emblée, ce qu'on nous annonçait par voie de communiqué un peu plus tôt cette semaine, eh bien, c'est qu'on voyait un regard très positif, donc cette initiative. Sinon, toujours dans l'actualité, ben, après 5 numéros, la revue dessinée ne compte pas s'arrêter là. Elle se lance en complément de ses quelques 200 pages trimestrielles dans la web télé qui s'intitulera L'émission dessinée. On coproduite avec le studio Small Bang. L'émission dessinée va être trimestrielle. Premier numéro diffusé en direct le 5 novembre, donc c'est très prochainement, de 18h à 23h sur Dailymotion et YouTube. Alors, ce sera animé par Ziad Malouf, coproduit par Pierre Catan, réalisé par Philippe Sommet, avec un programme donc tourné dans les locaux parisiens de la revue. Au menu de l'émission première, donc celle du 5, on annonce un entretien d'une heure avec René Pétion. Plusieurs débats également autour de sujets développés dans la revue dessinée, comme l'assassinat du juge Renault, la liberté à l'heure du web et autres sujets. Alors évidemment, de 18h à 23h, c'est les heures européennes. Je vous laisse faire la mathématique de votre côté. Et enfin, dernier clin d'œil à l'actualité, Dynamite, l'éditeur anglo-saxon spécialisé dans les bandes dessinées sous licence, va annoncer le lancement d'une nouvelle série en 2015, les débuts de la carrière de James Bond, basée à la fois sur des histoires originales de Ian Fleming et sur des aventures inédites se déroulant avant Casino Royale. Alors James Bond qui fera donc son apparition en BD aux environs de 2015, probablement à la fin de l'année. Voilà, toujours à la vie en BD, de la musique à saveur 8 bits qui nous accompagne au fil de nos émissions comme à l'habitude. Et cette fois-ci, d'ailleurs, un album que vous pouvez trouver sur l'étiquette web 8-Bit People. C'est la formation Knife City avec son nouvel album Precious Jewel. On écoutait donc un premier extrait, l'extrait titre d'ailleurs de l'album. Et nouveauté évidemment qui arrive cet automne, je pense qu'on le répétera jamais assez, mais les automnes sont généralement assez fastes en termes de production 9e art, et notamment le studio Lunac qui lance un nouvel album après donc deux sorties au fil des de l'année, en fait au fil de 2014, donc une troisième sortie, une troisième parution qui cette fois-ci était déjà existante, était déjà diffusée sur le web via la plateforme chimique.com. C'est donc une expansion papier qu'on a le plaisir de découvrir. L'album s'appelle Far Out. C'est de Olivier Carpentier et Gauthier Langevin. Ils sont tous les deux avec nous au bout du fil. Bonjour. Salut Raymond. Bonjour. Alors, mais peut-être d'emblée, côté description, Far Out, c'est un peu, si on lance dans les grandes lignes, c'est la rencontre entre la science-fiction et le western spaghetti, entre robots et cowboys, dans le fond. Oui, tout à fait. C'est l'histoire d'un robot qui va être confronté à une civilisation d'êtres tout robotique que lui, qui vivent comme dans un western spaghetti. Pourquoi, de quelle manière, ça, on va l'expliquer au fil des albums qui vont sortir pour la vie de la série. Et d'où est venue justement l'idée de ce métissage des genres? Ben, à la base, c'est moi, j'avais fait une série d'illustrations pour le studio Lunac, qui ne faisait pas encore de livres à l'époque. Puis c'était des visuels pour des affiches, des ceintures, des sacs, donc avec des robots cowboys. Puis bon, Gauthier et moi, on travaille depuis plusieurs années ensemble, et je lui avais demandé, je lui avais lâché ça comme ça un moment donné. Si jamais t'as une idée de scénario pour une bande dessinée, je pense que ça pourrait faire un truc intéressant. Puis comme de fait, là, voilà quelques années, Gauthier m'a relancé avec un scénario. Oui, puis en même temps, il y a quelque chose, il y a un plaisir d'essayer de produire quelque chose d'atypique, de mélanger les gens pour voir de quelle manière on peut faire prendre la sauce, mais différemment justement de l'habituel. Oui, ben on a laissé, comme on se plaît à le dire, on a laissé l'enfant de 9 ans s'exprimer à fond sur cet album-là. C'est du gros fun noir, si vous me permettez l'expression. On est conscient aussi que c'est un concept intéressant de mélanger les genres. Et le défi pour moi, du moins, c'était de faire sens autour de ça, mm-hmm. puis de créer un univers riche avec des personnages qui se tiennent quand même malgré l'improbabilité haute de ce genre. genre de mélange-là. Et j'imagine qu'on est aidé par le fait que dans le contexte du western, on est face à un genre dont les paramètres, dont les archétypes sont très établis, donc ça fait une référence de base autour de laquelle on peut jouer peut-être plus facilement que si on était dans un genre un peu plus souple, un peu moins défini, si on peut dire. Oui, c'est ça. On avait déjà un certain nombre de règles à respecter si on voulait vraiment se placer comme un western spaghetti, puis on voulait vraiment aussi assumer nos influences. Donc c'est des contraintes, c'était des possibilités aussi, et le fait de jouer avec des robots amenait un paquet d'autres contraintes, mais aussi une pléiade là, de possibilités là, qui étaient disponibles. Oui, ben enfin, on éclate un peu les possibilités dans la création de la mythologie, de la série, de l'univers, parce que reste que nécessairement, on pense à n'importe quel western spaghetti de Sergio Leone, il y a quelque chose de très mythologique, de très particulier là-dedans, donc, mais on peut le reproduire avec la science-fiction, puis avec beaucoup de possibilités aussi, justement, à travers lesquelles on peut éclater la narration. Oui, c'est tout à fait, parce que, bon, dans le western spaghetti, habituellement, les héros archétypaux sont souvent limités par leur propre corps, le fait que ce soit des êtres de chair. Ici, on a des robots qui peuvent utiliser encore plus la ruse, par exemple, ou le fait qu'ils peuvent changer de membre ou se battre avec leurs propres bras, par exemple. Donc, comme on disait dans un autre interview, c'est quelque chose de se débarrasser de quelqu'un, mais se débarrasser d'un robot, c'est un peu plus difficile. Et le premier tome, donc le premier volume sur papier, c'est vraiment un peu une longue introduction aussi. C'est l'opportunité pour vous d'établir l'ambiance, d'établir l'univers, et pour le lecteur de se plonger dans cet univers-là. Ben c'est ça. On voulait prendre notre temps. Je pense que dans les westerns, la lenteur est importante. Et on voulait pas tout garrocher trop vite. Donc vraiment des longues scènes au début où notre héros marche seul dans le désert. En même temps, ben, on avait un univers à présenter, mais on voulait pas tout introduire en même temps. On voulait vraiment que le lecteur découvre l'univers au même rythme que notre personnage. Donc oui, c'est ça. Ça sert vraiment d'introduction à une plus longue aventure. Et j'ai l'impression que ce genre de, entre guillemets, luxe-là, celui de prendre son temps, on le voit peu en BD, généralement, parce qu'il y a ce cadre, limitatif parfois, de quoi 42 planches, donc on a un album, deux albums, trois albums, si on est chanceux, pour raconter correctement notre histoire. Dans ce cas-ci, c'est au départ le contexte d'une série web, donc est-ce que c'est un peu ce contexte-là qui vous a donné moralement peut-être la liberté de dire, bon, OK, on prend notre temps, on fait les choses comme elles viennent, on établit les choses, et sur papier, mais ça sera dans la continuité de ça de toute façon, parce que le moteur au départ de diffusion, c'est le web. Oui, c'est ça. Ça a été un, comme tu dis si bien, c'est un luxe qu'on a décidé de prendre, puis qui était possible justement grâce au webcomic. Puis on a pris le pari de garder l'attention du lecteur avec l'ambiance, avec le ton, avec le rythme qui est typique du western. C'est comme des pantoufles dans lesquelles on aime bien retourner de temps à autre, qu'on connaît bien, mais dans lesquels on aime à être surpris de temps en temps. Puis dans le monde dans lequel on vit, qui est de plus en plus rapide, même, tu sais, pas juste en bande dessinée, là, je pense dans à peu près toutes les formes d'art, il y a cette espèce d'immédiateté qui devient quasiment par défaut. Puis nous, on a pris le risque d'aller un peu à contre-courant avec finalement 64 pages qui servent vraiment à camper un univers, puis un ton, puis un rythme. Oui, puis l'avantage du webcomic là-dedans aussi, c'est que le lecteur n'aura pas besoin d'attendre encore un an, deux ans, trois ans avant d'avoir d'autres trucs à se mettre sous la main. D'ici quelques semaines, on va recommencer la publication des pages du tome 2 en ligne sur le site de Kimik. Et j'imagine que côté dessin aussi, de faire le choix justement de laisser parler les images, de laisser parler l'ambiance, mais ça donne aussi un beau terrain de jeu pour explorer, pour développer, pour travailler l'univers et pour faire vivre l'univers aussi sans nécessairement se sentir obligé d'avoir une narration ou d'expliquer plein d'affaires. Non, c'est ça. Ben, Gauthier décrit quand même très bien l'action dans son scénario, mais c'est sûr que J'ai quand même là beaucoup de liberté, même si on se consulte tout le temps. Des fois, bon, je vais décider de prendre plus de cases pour raconter une action, quitte à rajouter des pages. Puis bon, strictement sur le web, ça, à ce moment-là, ça pose pas de problème. Donc oui, je peux m'amuser si je trouve que oups, ça va être trop serré dans une page, mais je peux décaler sur deux pages et faire des plus grands panneaux pour justement bien camper mon action, bien présenter mes décors, mes personnages. On a cette liberté-là. Et pour justement cadrer un peu le rythme ou ces éléments-là, bon, j'imagine que ça se passe surtout au découpage, mais comment justement on s'assure de bien justement tomber dans un rythme logique, dans les cadrages, et de justement s'assurer que ça soit lent, mais que ça soit pas immobile non plus? Souvent dans le western, on a cet avantage-là de pouvoir focusser sur des détails. Ces détails-là, que ça soit par exemple... Dans les westerns de Sergio Leone, ça peut être juste une mouche qui vole devant le visage de quelqu'un, puis on focus sur cette mouche-là, mm-hmm. Et puis elle donne par elle-même le ton et l'ambiance. On peut focuser, par exemple, dans Far Out, ça peut être sur un vautour qui vole dans le ciel. C'est des détails, c'est du décor, mais qui nous aide à... pardonnez-moi l'expression anglaise, là, à pacer la bande dessinée. Puis étant donné qu'on, personnellement, je fais une économie de texte là, qui est assez grande, ce qui donne aussi le rythme à la narration. C'est-à-dire que dès qu'il y a un dialogue ou une narration off, ça vient rythmer grandement la narration. Et j'imagine au niveau aussi des choix de couleurs, de textures, il faut mettre en scène le désert, il faut mettre en scène le soleil, la chaleur. Ça vient entrer aussi dans l'ambiance de tout ça. Donc comment on peut aborder la chose pour réussir à bien capter, à bien que le lecteur puisse ressentir peut-être ce que les personnages vivent côté chaleur, entre autres. Ouais, ben c'est ça. Ben c'est déjà une palette de couleurs dans laquelle je suis habitué de travailler. Je suis pas quelqu'un qui naturellement va vers les couleurs froides. Et là, ben pour Far Out, c'est sûr que j'ai accentué encore plus aller vers une palette quasi monochrome. Puis avec des grosses lumières aussi, quelques effets de texture, de brume qui vont vraiment donner ce côté étouffant et cette chaleur-là. Des contre-jours aussi. Mmh. Oui. On a aussi utilisé ça a été un débat à l'interne, mais finalement on a décidé d'aller avec les caniveaux noirs. Ça, c'est pas innocent, c'est que ça vient encercler la case, mais aussi la lecture. Mmh. On a l'impression d'être un peu plus cloîtré avec une page avec des intercases qui sont noires qu'avec des intercases qui sont blancs. Et le choix aussi de mettre en scène des robots, j'imagine au départ, je sais pas, en fait, j'essayais de me mettre à votre place et je me disais, mon Dieu, ça peut être un choix glissant dans la mesure où si on les fait trop froid, trop inexpressif, trop robotique, finalement, ben l'émotion passe pas. Sinon, on tombe peut-être aussi dans un côté trop humain, on perd le côté robotique. Donc, comment on s'assure d'avoir trouvé le bon milieu, justement, d'avoir trouvé le robot expressif auquel on peut s'attacher, mais qui reste un robot? Moi, au niveau du scénario, je laisserai Olivier répondre pour graphiquement, mais au niveau du scénario, j'ai pris la décision de les doter d'émotions et d'une intelligence qui est humaine. Dans un premier temps, pour avoir une proximité avec le lecteur plus grande, puis une gamme d'émotions là illimitée. Mm-hmm. Par contre, pour justement essayer de venir robotiser un peu tout ça ou détacher un peu ça de l'humain, je leur ai donné une naïveté quasi enfantine. Donc nos robots ont à peu près la vivacité d'esprit d'enfants de 8-9 ans à peu près, ou peut-être un peu plus vieux. Puis bon, il y en a qui sont un peu plus bêtes que d'autres, mais ça reste le spectre de l'imaginaire de l'enfance. C'est ça. Puis au niveau du dessin, ben j'ai designé des robots assez carrés, assez vraiment là, vieillot. Là, c'est clairement pas des designs de robots modernes là, comme on en voit dans le manga. Mais en même temps, même s'ils sont très très carrés, très géométriques, très très durs, je me permets justement de jouer avec une certaine malléabilité au niveau du visage, au niveau des yeux, au niveau de la bouche. Je déforme, évidemment. Il y a des limites que je peux pas dépasser non plus, mais justement de déformer un petit peu la mâchoire pour donner un rictus, ou même chose au niveau des yeux pour venir jouer avec de l'expression. Je pense qu'on était resté avec des robots réalistes, entre guillemets. Ça aurait été quand même assez ennuyant pour le lecteur. Il aurait fallu mettre vraiment beaucoup de texte pour bien comprendre là, ce qui se passait là. Et donc, la version papier qui est disponible depuis peu de Far Out, comme vous l'avez signalé, donc une fois qu'on a lu le premier volume, on peut poursuivre immédiatement sur le web et ensuite relire et replonger dans la suite sur papier. Donc, ça devient aussi un peu deux modes de consommation d'une certaine façon. Donc, il y en a un où on attend une fois par semaine pour suivre l'histoire, l'autre, on peut s'en gaver dans l'immédiat au fil de quelques heures de lecture attentive. Oui. Donc, dans le fond, est-ce qu'on prévoit déjà que le deuxième tome arrivera sur papier au fil peut-être de 2015-2016? On aimerait ça, en fait, le sortir plus tôt, même si on veut recommencer à publier en ligne dans quelques semaines. Deux ans, ça nous a pris deux ans et demi faire le premier tome. On trouve que ça serait long, deux ans et demi avant de sortir le deuxième, et jusqu'à maintenant, on a quand même une bonne réponse. Il y a un bon momentum là, autour de la sortie de l'album. Donc, l'idée, ça serait d'ici quelques semaines, quelques mois maximum, organiser une campagne de sociofinancement pour nous libérer le temps, pour bosser dessus à temps plein et être capable de sortir une deuxième version papier dès l'automne prochain. Ah ben, je me sens un peu moins mal dans ce cas-là à garder la moitié de mes questions, puisque j'en aurai besoin l'année prochaine. Alors, Olivier Carpentier, Gauthier Langevin, merci beaucoup. Merci à toi, joyeux Halloween. Merci. Oui, merci. À vous autres aussi, déguisez-vous en robot ou en cow-boy? Non, c'est trop non. Long. Salut bien. Salut. Merci. Alors voilà, donc c'était Olivier Carpentier, Gauthier Langevin, auteur et dessinateur donc de cette série Far Out, premier tome qui est sorti tout récemment au studio Lunac, donc en version papier, et qui est disponible également sur le web via la plateforme kimik.com. On écoute toujours quelques extraits de Knife City, en vous rappelant que vous pouvez suivre La Vie en BD sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. Vous pouvez également écouter les émissions en version balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Deux petites mentions très rapides avant de repartir en pause, notamment le huitième tome des Druides, Les Secrets d'Orient, qui a été publié tout récemment. Décidément, en fait, un cycle qui est très solide jusqu'à présent. Les amateurs de la série très certainement ne seront pas déçus avec ce huitième tome. Ceux qui ne connaissent pas la série, bien évidemment, dans ces cas-là, on a tendance toujours à référer au tome précédent ou au début de la série, évidemment. Reste que c'est quand même possible aussi de se plonger dans l'univers à partir de ce tome-là sans être entièrement perdu. Évidemment, on en perd un peu en caractérisation des personnages historiques et le reste, mais l'histoire demeure quand même suffisamment claire pour qu'on puisse y prendre plaisir si on est appelé à la feuilleter sans avoir connaissance du reste de la série. Mais évidemment, c'est le genre de situation où on se dit, je vais relire le reste de la série et revenir à celui-là par après parce que c'est bien dessiné, parce que c'est bien écrit, parce que l'histoire est claire, elle est précise, parce que le suspense, il est présent aussi, parce qu'on est capable de bâtir rapidement en quelques traits des éléments à caractère mythologique. Pour Jacques Lamontagne, mais toujours un dessin efficace. J'ai lu quelques analyses qui disaient, on met de côté peut-être un peu un trait rond, un trait un peu plus léger des albums précédents. On s'éloigne un peu de certains archétypes du style heroic fantasy. Reste que d'une manière ou d'une autre, ça reste solide, à mon avis, très humble. Dans cet épisode-là, Tarin partait à la recherche de son maître. Les traces qu'il a laissées le mènent dans un trou, dans un lieu dans lequel il s'enfonce. Une longue descente dans les entrailles de la terre, il se retrouve dans un temple souterrain et là, éventuellement, une famille de cannibales. Et j'en reste là, évidemment, pour pas, trop donner de détails par rapport à l'album. Donc, ça reste efficace que dire de plus, sinon, comme je le disais au départ, les fans seront satisfaits et inversement, ceux qui ne connaissent pas la série pourront quand même réussir à y plonger pouvant quand même profiter un peu de l'histoire. C'est pas d'ailleurs donné à toutes les séries, je pense notamment au cycle de Sian, le sixième tome, Les Aubes douces d'Alderaan, qui, lui, contrairement à l'album Distant et La Montagne, dans ce cas-ci, François Bourgeon, c'est le dernier tome de la série, a pas nécessairement réussi de manière parfaite, si on peut dire, à finir son cycle. Si vous connaissez pas du tout la série, ça vaut absolument pas la peine d'emblée de mettre la main sur ce tome-là. C'est vraiment la fin pour ceux qui ont lu les derniers tomes. C'est très, très lourd en mythologie, en éléments, en références que vous ne comprendrez pas. Point. Pour ceux qui sont dans cette ambiance-là, qui connaissent les éléments, vont peut-être être décontenancés par le fait que, comparativement au tome précédent, où il y avait plus d'action, plus de vitalité, peut-être un peu à travers les albums, plus de créatures imaginaires, d'exploration, dans ce cas-ci, c'est très lent, c'est très axé sur des dialogues, sur des échanges un peu obscurs, finalement sur une trame qui ne bouge pas beaucoup non plus, avec une fin qui est peut-être un peu décevante dans le contexte du côté space opéra de la balance de la série. Il y a même des gens qui comparaient à la fin de du troisième Matrix, là, pour dire. Alors, disons que c'est peut-être pas nécessairement la meilleure impression, dernière impression à garder de cette série-là, dont les tomes précédents étaient quand même relativement solides, là, il faut le dire. Alors, peut-être un tome 6 du cycle de Sian qui est un brin décevant de ce côté. Alors voilà, pour ces rapides clins d'œil, on prend une courte pause. À venir, on parle du Dominion de 7 et on parle des droits d'auteur à la courte échelle. Après un retour réussi l'an dernier, la Ligue d'improvisation musicale de Québec bat son plein pour la saison 2014-2015. Regroupant de talentueux musiciens issus de la scène musicale de la Ville de Québec, les matchs mensuels sont présentés au Cercle. Le 3 novembre, les jaunes rencontrent les rouges. Pour plus d'informations, la constitution des équipes, des tirages et bien plus, retrouvez-nous sur Facebook. Depuis 2008, la mesure Première Ovation aide les talents émergents de Québec en leur donnant les moyens de créer, de profiter d'encadrement et de vivre leurs premières expériences professionnelles. Couvrant 8 disciplines artistiques, les actions de Première Ovation contribuent également à une meilleure diffusion des créateurs et favorisent l'accès au spectacle de la relève. Découvrez les programmes offerts sur premièreovation.com. Première Ovation vous invite à découvrir les artistes émergents de Québec. Ce samedi 1er novembre, le Café Babylone présente le quintet vocal a cappella Voice Appeal dans le cadre de la série Cabaret Découverte. Visitez premièreovation.com pour en apprendre plus. Êtes-vous préoccupé par le devenir de la radiophonie québécoise? Venez participer à la journée d'études sur la radiophonie québécoise, Radioactif, de la pratique à la fabrique de la radio, le 28 novembre à l'Université Laval. L'occasion de redécouvrir le médium radio, de réfléchir aux grands défis qui sont les siens et à ses perspectives d'avenir. Je pense qu'on doit être en avance sur l'auditeur. Puisqu'on réfléchit à ça, à notre média, à la radio, on doit savoir avant les gens ce que ça va être la radio de demain. Au programme, conférences de personnalités d'ici et d'ailleurs, séances d'écoute, d'archives, de documentaires, de créations sonores et des invités de marque tels que Pierre Maisonneuve, Jean Dussault, Akli Haït Abdallah, Christophe Rowe et Daniel Turp. Informez-vous sur radioactif.weebly.com. La radio est amenée à se réinventer parce que le monde change. Pour une troisième année, la Ligue québécoise d'impro BD prendra d'assaut la scène du Cercle pour présenter ses affrontements mensuels. L'impro BD, c'est un spectacle unique unissant jeux, dessins et musique où tout est mis en place pour tirer le maximum du talent et de l'imaginaire des joueurs. prochain match, dimanche 23 novembre, 20h, au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est. Entrée, 5 $. La Ligue québécoise d'impro BD est une présentation du Festival de la BD francophone de Québec en collaboration avec CKRL. CKRL. Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, toujours à explorer le 9e art. Et on aura l'opportunité de l'explorer sur grand écran les 6 et 9 novembre à 19h à l'invitation d'Antitube, qui a programmé au cinéma Le Clap un programme double à saveur BD, donc Un chemin avec Edmond Beaudoin, qui sera précédé en fait du film Le Dominion de Seth, un film qui a été produit à l'ONF, qui a été réalisé par Luc Chamberlain. J'ai dit d'entrée de jeu, je le redis, un très beau film qui mérite largement d'être vu, et j'ai le plaisir d'en jaser avec le réalisateur Luc Chamberlain, qui est avec nous au bout du fil. Bonjour. Bonjour Raymond. Et peut-être d'emblée, en fait, si on se met en contexte, on est en 2014, et pour vous, le Dominion de Seth, c'est une aventure qui a commencé en 2006. Oui, ça c'est vrai, c'est une histoire qui a commencé il y a un peu longtemps, mais je suis un réalisateur qui travaille beaucoup, je fais de la publicité, j'ai fait aussi beaucoup de séries télé, des pilotes de séries télé. Il y a une série télé, c'est peut-être les plus jeunes connaissent, c'est Wild Kratts, c'est les frères Kratts qui faisaient Zabou Mofou. On m'ont engagé pour partir un pilote pour faire une série télé de leurs aventures en dessin animé. Et ça fonctionnait très bien. Ça fait 4 ans là qu'ils font des épisodes. Fait que je suis toujours très occupé, pour payer mon loyer. Et puis tranquillement, je faisais un petit bout de film, de ce film-là, à chaque année pour l'avancer. Je profitais de la situation pour pas étirer, mais aller plus profondément avec le dessinateur Seth, avec qui je posais des questions puis j'explorais son travail. Et justement, qu'est-ce qui vous a amené à choisir d'offrir un film, un documentaire sur le travail de Seth, sur sa démarche, son parcours? C'est intéressant. J'ai travaillé 15 ans à Londres, en Angleterre, où je réalisais beaucoup de pubs. J'ai animé sur des films de Steven Spielberg aussi. J'étais comme dans un vase clos en Angleterre, à Londres, où il n'y avait pas beaucoup de bandes dessinées francophones. Il n'y avait pas beaucoup d'accès. Même si on était à côté du continent, ça se voyageait pas très bien. Fait que c'était que des bandes dessinées américaines ou britanniques. J'aime beaucoup Alan Moore. C'est un écrivain britannique de bandes dessinées. Mais j'ai découvert Seth dans ces bandes dessinées anglophones-là. Et je pensais que c'était un Américain, mais qui avait une sensibilité européenne. Je retrouvais le goût des bandes dessinées européennes avec ça. Fait que ça m'a comme touché. Puis c'est un grand observateur de la vie, du quotidien de tous les jours. Mais le quotidien tous les jours devient extraordinaire avec lui, il devient beaucoup plus intense. Un verre vide sur une table a un long récit à raconter comparé à d'autres personnes où ils vont avoir un super-héros qui va lancer un laser. Fait que ça me parlait beaucoup, ça, et la rencontre que j'ai eue avec lui a fait que je pensais pas faire un film avec lui quand je l'ai rencontré. Mais plus on a jasé, il faisait une conférence sur les dessinateurs de bandes dessinées en général. Et c'est durant la conférence que j'ai eu l'idée de « Oui, mais s'il parle des autres si bien, il pourrait parler de lui d'une façon intéressante. » Et puis là, je l'ai approché, on a discuté, puis j'ai découvert qu'il faisait plusieurs choses à part de faire de la bande dessinée. Il préparait un spectacle de marionnettes, il est en train de construire une sorte d'inventer une ville entière quelque part au nord de l'Ontario. En plus, il faisait un journal intime, puis il faisait ses bandes dessinées. Il y avait comme 4 facettes avec lui que je pouvais explorer au lieu d'être juste une sorte de chose. Alors, je voyais qu'il y avait beaucoup plus il y avait juste un bout d'iceberg, mais en dessous, il y avait beaucoup de choses qui dépassaient. C'est ça que je voulais explorer. Et j'imagine que le défi dans un contexte comme ça, c'est de dire justement comment représenter cette variété-là côté travail. Et j'imagine que de votre côté, dans votre travail de réalisation, vous avez fait de la publicité, vous avez fait de l'animation, vous avez fait de la réalisation traditionnelle, vous avez fait du long-métrage. Lui, aussi entre théâtre de marionnettes et BD, comme vous disiez, et autres modes. Et le film lui-même, en fait, aussi entre justement des segments de théâtre de marionnettes, des newsreels, des segments documentaires, de l'animation. Donc, ça devenait nécessaire de, de profiter un peu de toutes vos expertises pour mettre en valeur les siennes? Bien, j'avoue que c'est ça. Il y avait plusieurs facettes et j'ai voulu utiliser plusieurs différentes façons de travailler pour présenter chacune des facettes et les entremêler en racontant l'histoire et en découvrant le personnage. Parce que c'est pas juste un film sur un dessinateur, c'est la vie de quelqu'un. J'aurais pu faire un film peut-être sur un plombier qui aurait d'autres activités, ou un pâtissier, ou un chauffeur d'autobus. J'aurais pu faire un film sur quelqu'un comme ça. Mais c'est quelqu'un qui dessine, mais qui fait d'autres activités en même temps, mais qui apprécie énormément la vie et le temps qui passe. Et qu'il est, qui a une grande sensibilité sur ce temps qui passe. Il observe beaucoup et il reflète beaucoup dessus. Et ça me fascine. Et c'est quelque chose qui parle en moi aussi. J'ai comme une certaine intensité par rapport à chaque événement que l'on vit chaque jour. Et je trouvais que c'était une merveilleuse opportunité de pouvoir travailler, de pouvoir parler de notre vie à nous tous en utilisant le matériel que Seth crée dans ses bandes dessinées, mais c'est surtout ces journaux intimes qui sont faits en bandes dessinées, qui ne sont pas publiés, dont j'ai eu l'incroyable chance d'avoir accès. Seth m'a donné carte blanche, et puis ben voilà, j'ai utilisé ça, j'ai transformé son journal intime en dessin animé. Oui, ça devient, à la limite, en fait, sur cette lancée-là, j'aurais presque envie de dire qu'au-delà du documentaire sur Seth, Le Dominion de Seth, c'est un film sur le souvenir, sur la mémoire, et en même temps, on découvre aussi à quel point la notion de mémoire, la notion de souvenir est intrinsèque au travail de Seth. Exactement, mais c'est aussi quelque chose, je pense, qui est intrinsèque à tout le monde, dans chacune de nos vies. C'est pour ça que c'est le fun, le film a gagné le meilleur film, le Grand Prix au Festival international d'animation à Ottawa, et il commence à jouer à travers le monde. Il va être dans 6 festivals bientôt de films. Ça fonctionne très bien, mais je crois que j'ai réussi, en tout cas je prétends avoir réussi, à parler de la mémoire, pas juste de Seth, mais la mémoire de nous tous. On a tous un grand bagage de mémoire dans notre vie, et cette mémoire, si on l'explore, on peut s'en servir pour mieux vivre notre présent. Et Luc Chamberlain, quand on attaque un film comme ça, parce que j'ai l'impression, et je crois même avoir lu dans une entrevue que vous considériez que Seth était parmi les meilleurs dessinateurs au monde, parmi vos auteurs de référence, de s'attaquer à quelqu'un qu'on admire, en fait, de faire une œuvre sur lui, j'imagine que ça met aussi la pression de faire un film à sa hauteur, de dire, ben, en fait, mon film, ça va être plus l'équivalent de trucs comme Comic Book Confidential, comme Crumb, comme American Splendor, comme quelque chose qui va vraiment permettre une porte d'entrée très particulière dans l'univers de quelqu'un, marquante dans l'univers de quelqu'un. Mais j'avoue que depuis toujours, je regarde toujours tous les films qui sont faits sur les différents dessinateurs de bande dessinée. Et c'est des films qui me fascinent. Mais généralement, je trouve que c'est des films un petit peu opaques pour un gars comme moi qui adore la bande dessinée, qui adore les dessinateurs, qui dessine soi-même. Quand je regarde ces films-là, ça m'intéresse, mais j'ai l'impression que ça peut être plate pour bien du monde. Si je dis aux gens, ben c'est un film sur un gars qui dessine dans sa cave toute la journée. Il n'y a pas grand monde qui va venir voir le film. Mais par contre, c'est pas ça. C'est l'exploration de la mémoire de ce personnage, comment ça affecte sa vie et comment on peut refléter sur notre propre vie. Et la barre était haute. Je considère que si on fait une liste des 10 meilleurs dessinateurs de bande dessinée au monde, Seth va se retrouver dans cette liste-là. Moi, elle va être très haute en haut de la liste, mais plein d'autres mondes vont le mettre dans la liste, puis il va être dans les 10 premiers, j'en suis certain. Fait que je me suis peinturé dans un coin quand il m'a dit, ben oui, on va faire le film ensemble. Là, j'ai dit, OK, là, moi, il faut que je fasse un bon film, j'ai pas le choix. Puis, de toute façon, moi, quand je me lève le matin, je veux pas faire un mauvais film. Tous les films que je fais, je me lève le matin, toutes les pubs, je veux tout le temps faire, ben, je veux faire la meilleure pub que j'ai faite à date. Je veux tout le temps faire le meilleur. Puis là, avec tout le savoir de la publicité et j'ai réalisé un film pour DreamWorks en 2000. Tu sais, j'ai une grande expérience. Je voulais le mettre pour un projet personnel pour vraiment aller loin et utiliser tout le savoir que j'ai eu et l'accumuler. Et je suis un grand obsédé de l'histoire du cinéma. Je suis un grand fan des bons films là et comment ça a été fait. J'y connais quasiment par cœur dans ma tête et j'étais allé chercher tout mon savoir et j'ai fait Un documentaire hybride, fait que c'est un peu documentaire, mais des fois, ce n'est pas pantoute, c'est fiction, parce qu'on va dans des films qui sont des films de souvenirs, qui sont des adaptations d'un souvenir qui devient un film de fiction. On retourne à une pièce de théâtre. Ensuite, on s'en va dans le set qui nous explique qu'est-ce qu'il fait dans une journée. Oups, on retourne à un autre film de fiction, en dessin animé. Mais toujours j'ai vraiment voulu faire un film dynamique, vraiment dynamique, qui explore toutes les facettes de cette personne-là. Et toujours à travers sa voix aussi, dans la mesure où, indépendamment du médium, c'est toujours lui qui prend la parole, qui se présente, qui narre l'action. Il est omniprésent au cœur de ce film-là aussi. Sa voix est omniprésente. Mais c'est un choix. Surtout quand j'ai fait les dessins animés, moi, ce qui me faisait peur, c'est que j'ai beaucoup de mauvaises expériences personnelles d'aller voir un dessin animé qui était adapté d'une bande dessinée, puis j'étais souvent très déçu. Je disais, ben voyons, moi j'aurais pas fait ça comme ça. Fait que là, cette fois-ci, c'était ma job de faire un dessin animé, mais ne pas décevoir les gens et ne pas me décevoir, parce que je suis très exigeant. Fait que j'ai réussi à convaincre Seth, parce que Seth voulait un acteur pour lire ses bandes dessinées. Et puis moi, j'ai dit non, c'est toi qui vas les lire, parce qu'avec ça, je vais avoir son vrai rythme de lecture, donc je vais avoir plus de chances d'être plus proche de sa vision de la bande dessinée qu'il a fait lui-même en ayant son rythme de récit, son rythme de voix. Et je crois que j'ai réussi grâce à ça, parce que chaque petite vignette de dessin animé qui sont 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes ont un rythme bien à eux, avec une musique j'ai engagé Luigi Alimano, qui est un très très bon compositeur de musique à Montréal, qui travaille souvent à l'ONF, mais aussi il fait des films en dehors de l'ONF. On a pris un orchestre, on s'est fait une petite orchestre de 32 musiciens, puis on voulait vraiment que la musique soit vraiment délicate. On se rend pas compte qu'il y a 32 musiciens, là. C'est vraiment délicat. C'est une petite musique délicate parce que c'est des moments délicats avec une certaine intensité, une émotion, mais je voulais que la musique emballe ces moments-là pour les rendre... les déposer aux genoux des téléspectateurs. Regardez ce petit moment, sentez-le. Et à travers tout ça aussi, au fil du Dominion de Seth, on perd pas la présence du papier dans les séquences animées, même s'ils le sont par ordinateur. On perd pas le sentiment du papier. J'imagine qu'à un moment donné, on pouvait juste logistiquement pas les faire sur papier, donc il a fallu trouver des manières de ramener ce matériel de base-là au cœur du film, au cœur de la sensation qu'on a quand on le regarde. Oui, ça c'est très important. Au début, j'ai travaillé sur papier, j'ai quelques scènes qui ont été faites sur papier, mais après ça, à cause des coûts, on pouvait pas se permettre ce luxe-là. Fait que j'ai commencé à dessiner directement dans l'ordinateur. C'est une tablette graphique, là. Je dessinais sur la tablette, et bien sûr, on s'est scanné du papier, des textures de papier. On a tout fait pour faire disparaître l'ordinateur. Alors généralement, les gens pensent, et j'en suis très heureux, que c'était tout dessiné sur papier. Et je suis content. J'ai réussi mon truc. Mais c'était quand même grâce à l'incroyable équipe de l'ONF. Il y a une équipe de techniciens qui sont là pour nous supporter quand on a le plaisir d'avoir l'ONF avec nous. Et les techniciens sont là, les ordinateurs sont là. Et j'ai eu un support incroyable. Et Dieu merci, il y a encore l'ONF. Et je pense qu'on devrait... essayer de réussir à convaincre nos gouvernements ou voter dans la bonne façon pour que les gens mettent plus d'argent là que sur des bombes, pour que cette incroyable institution ait une des meilleures plaques pour parler de nous-mêmes et nous aider à nous découvrir entre nous et à aider, je pense, à faire un monde meilleur. Et en fait, les gens pourront voir justement ce travail-là. Évidemment, il y aura des sorties DVD. Évidemment, éventuellement, il sera disponible par d'autres moyens. Mais reste que j'ai l'impression que le public de Québec a une belle invitation. Les 6 et 9 novembre à 19h, on en parlait avant l'entrevue. Ces genres de trucs avec les musiciens, avec l'image, l'animation. En fait, on va vivre l'expérience réelle du film sur grand écran dans le contexte d'un cinéma. Et c'est quelque chose qu'on peut difficilement passer à côté. J'avoue que vraiment, moi, personnellement, on a fait le mix, un écran de 4 pieds sur 5 pieds, fait que c'était gros quand même, mais projeté sur un vrai écran avec un vrai système de son, quand c'est terminé, l'émotion et l'expérience est vraiment sans tuplé. J'ai vraiment, en tout cas, je conseille aux gens, surtout le jeudi soir, le 6 novembre, jeudi soir, je serai présent pour répondre aux questions des gens dans la salle. Et vous êtes volubile et vous en avez à raconter, en fait, ça c'est sûr. J'invite donc les gens à répondre favorablement à cette invitation-là et le film en fait vaut largement la peine d'être vu. Ça, je le mentionne au passage. Luc Chamberlain, réalisateur donc du Dominion de 7, merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir, Raymond. Et puis, au plaisir de se voir dans la salle de cinéma le 6 novembre. Voilà. Alors, je le rappelle, le Dominion de 7, donc, qui est présenté au cinéma Le Clap le 6 novembre en présence du réalisateur Luc Chamberlain et le 9 novembre également, donc à 19h. C'est une invitation d'Antitube et de l'ONF. Toujours à la vie en BD, on écoute un petit extrait de la formation Knife City avec leur album Precious Jewel. Et on passe maintenant à un dossier qui a été fortement médiatisé et pour cause. Donc la question de la faillite des éditions La Courte Échelle et surtout la situation dans laquelle les auteurs se retrouvent suite justement à cette faillite et en route vers une éventuelle vente aux enchères. C'est ce qui est annoncé jusqu'à présent. Il y avait rencontre également un peu plus tôt aujourd'hui, vendredi 31 octobre, avec les auteurs, avec le syndic de faillite. Et donc, qu'en penser de tout ça et surtout, quel regard portes-tu qui sont en plein dans cette tempête portent sur tout ça? Eh bien, pour en jaser, on est en compagnie de l'auteur de Léon, Annie Grouvy, qui a envoyé d'ailleurs au début de la semaine une lettre aux médias en lien justement avec toute cette situation. Annie, bonjour. Bonjour. Et justement, mais peut-être commençons avec le plus récent, la rencontre de ce vendredi matin. Est-ce qu'on a du nouveau? Est-ce que c'était du réchauffé? Est-ce qu'il y a une mise aux enchères finalement qui s'en vient ou qui sera faite prochainement? Ben, nous, on nous avait dit que ce matin à la réunion, c'est ça, c'est là qu'on apprendrait qui a fait les offres puis tout ça, qu'on était tous bien stressés de ça. Et finalement, là, on avait les acheteurs avaient jusqu'à ce matin 10 heures pour faire une offre. Alors en fait, quand la réunion a commencé, personne n'avait encore ouvert les enveloppes, donc on savait pas. On savait qu'on avait reçu quelques enveloppes, donc il y a des offres, mais on sait pas encore les conditions, on sait pas ils sont de quelle nature. Fait qu'en fait, on n'a pas su grand chose d'autre, mais on a posé des questions. Le syndic s'était un peu plus informé après la réunion de la dernière fois, donc on en a su un peu plus, mais ça reste encore c'est un dossier difficile, hein, parce que c'est comme un peu la première fois qu'on a à gérer ces questions-là, ces trucs-là, puis même le syndic, c'est nouveau pour lui, donc c'est toujours comme, mais on pense que peut-être, mais là, il faut qu'on vous revienne, puis là, tu sais, c'est pas, on avance, là, mais tranquillement. Parce que c'est une situation assez particulière et assez complexe au niveau législatif, on entre presque un peu dans le droit constitutionnel. Ouais. Essentiellement, donc, c'est l'idée qu'on pensait qu'il y avait une loi au provincial qui s'appliquait, qui permettait aux auteurs de ravoir leurs droits s'il y avait une faillite, mais finalement, il y a une loi fédérale qui dit, ben non, c'est pas ça. C'est ça, c'est que dans nos contrats, ça le dit clairement, que la cession consentie au présent prendra fin et l'auteur redeviendra automatiquement et de plein droit titulaire des droits cédés si l'éditeur est mis en faillite. Ça, c'est tel quel écrit dans tous les contrats de tous les auteurs. Alors nous, on s'est tous dit même, les avocats disaient, c'est beau, vous avez repris vos droits, alors voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et là, après ça, le syndic a dit, non, attends, en cas de faillite, c'est la loi fédérale qui prévaut. Alors là, tout le monde a fait, hein? Genre, personne, je sais pas pourquoi personne savait ça, à part le syndic, là, mais en tout cas, on est tous tombés en bas de notre chaise. Puis là, c'est ça le gros problème. En fait, c'est que nous, on signe un contrat qui dit quelque chose, puis après ça, on se fait dire, non, ce que t'as signé, là, c'est pas bon. Puis moi, j'avais fait reviser par des avocats. Là, j'ai pas signé un contrat comme ça les yeux fermés, t'sais, comme il y en a qui vont dire les artistes ça signe comme ça sans vérifier, non, on l'a vraiment, même l'UNEC, qui est notre union des écrivains et écrivaines, avait fourni ce contrat-là comme contrat type en disant c'est un bon contrat. Donc, nous, on était certains qu'on était tous protégés, là. Oui, effectivement. Puis, en fait, à la limite, c'est tout le système de contrat tel qu'il est fait qui devra être revisé en lumière de ce qui arrive présentement. Ben oui, en fait, c'est ça. C'est le législateur, là, en faisant cette loi-là. C'est comme faire une loi, mais qui, finalement, elle donne rien. Fait que il y a un problème là. Et pour vous, ça vous met dans une situation qui doit être assez particulière, dans la mesure où on assumait, donc, s'il y avait un problème, on se retrouve avec les droits. Donc, après ça, on pouvait animer notre création un peu comme on l'entendait. Mais là, finalement, oui, on apprend du jour au lendemain que non, c'est ce qu'on a créé, ouais, c'est pas à nous, puis si on veut que ce soit à nous, il faut le racheter. C'est ça, mais là, on se disait, bon, on a perdu nos redevances, ça, c'est plate, c'est de l'argent, mais au moins, on a nos droits, puis on peut aller voir qui on veut, puis magasiner, puis bon. Mais là, non, on a fait qu'en plus de perdre notre argent qu'on attendait depuis déjà un an, parce qu'on est payé les droits d'auteur, c'est toujours l'année d'ensuite qu'on les reçoit. Alors, pour 2013, là, on n'en sera jamais payé, 2014 non plus. Donc, c'est deux années, là, pour un auteur, déjà que c'est pas... un métier, c'est pas le métier le plus payant, là. C'est que on perd ça, on perd nos droits, puis là, nos livres, on sait pas ce qui va arriver avec non plus, est-ce qu'ils vont être soldés, alors il y a beaucoup de stress, là, par rapport à ça. Oui, j'imagine, en fait, on a envie d'un côté de faire une offre pour racheter les droits, mais en même temps, ça devient extrêmement ironique de dire, mais je suis obligé de payer l'argent que j'ai pas eu pour racheter ma création. Puis là, j'ai pas envie de, tu sais, je faisais sans blague, je me disais, j'ai pas envie moi-même de faire faillite parce que je veux racheter mes choses, là, tu sais, c'est jusqu'où je vais, combien je suis prête à mettre pour reprendre mes droits, mais que ça soit viable, que je sois capable ensuite de, tu sais, il faut penser à tout ça, là, c'est pas juste, c'est très émotif, tu dis, oh, je vais tout racheter, mais attends, là, wow, ça va coûter combien, là? Fait que c'est pas évident, là. Oui, puis en même temps, j'imagine qu'inversement, et d'ailleurs, tu le signalais dans la lettre que tu as fait circuler en début de semaine, ça devient aussi une situation où pour toi, en tant qu'auteur, c'est comme si on t'imposait du jour au lendemain un éditeur, un nouveau mari, au bout du compte, pour ta série. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont dit, ben là, y a pas, t'sais, les gens voulaient nous encourager, alors ils disaient, ah, c'est pas grave, vous allez être acheté, inquiétez-vous pas. C'est justement ça qui m'inquiète, moi. Mais j'ai su, parce que moi, je pensais qu'on était tous dans la même situation, mais il y a des auteurs, eux, que ça fait leur affaire d'être acheté parce que, bon, peut-être qu'il était nouveau, il venait juste d'avoir un éditeur, puis là, ils veulent pas tout refaire les démarches de retrouver un éditeur. Alors, pour eux, ce serait presque une bonne affaire d'être acheté, alors que pour moi, non, non, non. Alors, tu vois, on n'est même pas, tu sais, on n'est pas tous non plus sur la même longueur d'onde, donc c'est un peu difficile, là. Oui, mais surtout, en fait, c'est pour se mettre en perspective. En fait, Léon, c'est quoi? C'est à peu près 55 titres à la courte échelle. C'est un branding que tu as développé, sur lequel tu travailles, tu fais des activités, tu as fait. Depuis 12 ans, là, ma vie, ouais, c'est juste ça, là. Puis j'ai beaucoup donné. Je me disais, c'est comme un petit peu mon entreprise parce que j'avais beaucoup de liberté de création à la courte échelle, puis d'action. Alors, ils me laissaient faire mes choses. Donc, moi, j'investissais, puis je me disais, c'est bon pour moi aussi. Mais là, si ça devient dans les mains de n'importe qui ramasse ça comme ça, c'est comme, hey, attends, j'ai l'impression que c'est à moi, mais j'avais quand même cédé mes droits, mais je devais les ravoir. C'est ça l'affaire. Puis, enfin, inversement, on peut pas dire non plus, ben OK, développe un nouveau personnage. Ben parce non. Que là, c'est 12 ans d'efforts qui sont mais c'est ça. Il y en a aussi qui m'ont dit ça. Tu sais, les gens, des fois, bon, ils se sont encouragés, puis ils ont dit, ah, ben c'est pas grave, t'inventeras un nouveau personnage. Attends, ça, parce que ça s'invente pas comme ça. Puis c'est des années et des années pour le faire connaître. Donc, tu sais, là, j'étais rendue, c'était bien connu, ça allait bien. C'est tous ces efforts-là pour amener un projet à quelque part, puis là, pouf, du jour au lendemain, ça peut, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, puis c'est je dis que mon avenir est en jeu, là, peut-être j'exagère un peu, mais c'est quand même toute ma vie depuis 12 ans, puis j'y croyais, tout ça, donc je sais pas ce qui peut arriver, là. Et à travers tout ça aussi, dans le dossier, ben les auteurs, vous êtes un peu considérés comme des créanciers parmi d'autres. On parlait tout à l'heure des droits d'auteur impayés. Je pense que ça remonte à peu près à quoi, 300 000 de droits d'auteur répartis en 132 auteurs, à échelle variable, évidemment, là-dedans. Donc, ça revient aussi à d'autres types de démarches, d'autres types de contraintes, avec un suivi qui risque d'être quand même assez long aussi dans la liquidation des effets sur les pourcentages qui vont être remettre à chacun, etc. Mais avec les dettes qu'il y a, là, honnêtement, on nous l'a dit, là, attendez-vous pas à être payé, là, à moins que la prochaine personne qui rachète devra nous payer les droits. Mais là encore, là, l'acheteur qui achète ça, qui doit payer tous ces droits-là, c'est un gros montant, 300 000. Alors, tu sais, c'est comme compliqué, là. Il y a plusieurs facteurs, là, à tenir en compte, là. Et sur la question des droits, Annie Grouvy, il y avait eu, je me rappelle, en fait, Hélène David, ministre de la Culture, qui avait dit, on va intervenir, on va faire quelque chose pour donner un coup de pouce. Ouais. C'est encore des préoccupations, évidemment, de l'UNEC, l'Illustration Québec, qui, j'imagine, continue de discuter, d'échanger avec le syndic. Est-ce que, sur ce côté-là, on a l'impression que ça marchera pas, que c'est sûr que les droits, on pourra pas les ravoir si on les souhaite, que c'est le rachat qui semble s'imposer. C'est juste que c'est pas rétroactif. Alors, ouais. Si on vend là la semaine prochaine, puis que dans 6 mois, la ministre a réussi à faire changer la loi, il est trop tard. On a déjà été acheté. T'sais, c'est long faire changer une loi comme ça, puis ça se fera pas tout de suite. Donc c'est sûr que nous, on va payer pour les prochains. Là. Les prochains, probablement qu'ils vont régler ça, puis tant mieux, mais c'est comme nous, on va pas bénéficier de ça probablement. Là. Donc, dans le fond, les prochaines étapes de ton côté, c'est de voir un peu, dans le fond, quelle soumission, s'il y a quelqu'un qui a misé sur ta série ou sur une partie du catalogue ou sur l'ensemble du catalogue, etc. C'est ça. Et là, aujourd'hui, on a élu des inspecteurs. Il y a 5 inspecteurs qui vont analyser les dossiers. Mais ce qui est drôle, c'est que les inspecteurs, ça va à celui qui a le à qui on doit le plus d'argent, a le plus de votes pour être inspecteur. Alors finalement, on se retrouve qu'il y a 4 représentants des créanciers garantis, puis un qui va représenter les auteurs. Alors là, on va se battre contre 4 puissants qui veulent reprendre leur argent. Alors ils vont se dire, hey, là, les auteurs, là, tu sais, c'est ça qui tout est injuste là-dedans finalement, là, mais. Enfin, on continue de suivre la situation, mais j'imagine dans ton cas, ça doit être entre tristesse, angoisse puis espoir dans une certaine mesure. Oui, ben en tout cas, je baisse pas les bras là, puis je vais me battre jusqu'au bout, mais au moins je pourrais. En tout cas, si ça fonctionne pas, je pourrais me dire que j'ai tout fait ce que je pouvais là, mais en tout cas, je lâche pas. Bon, on te souhaite bonne chance, Annie. Ben merci beaucoup. Salut bien. Bye. Voilà, on s'entretenait avec l'auteur Annie Grouvy, je vous rappelle, l'auteur de Léon, 55 titres à la courte échelle. Et ben, on continue évidemment, nous, de suivre au fil de l'actualité ce qui se passe de ce côté-là, en espérant évidemment le meilleur possible pour les auteurs. Alors ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de La Vie en BD. C'était Raymond Poirier au micro et on souhaite une bonne fin de semaine sur les ondes du 89.1 CKRL et on se dit à vendredi prochain.